Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème, et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Force de l'ordre, une série de Johanna Bedeau réalisée par Angélique Thibault. Au départ de cette série, il y a le terrorisme qui nous a habitués à voir patrouiller des soldats armés dans les rues. Il y a la police qui a le droit de faire usage de la force, les manifestations qui dégénèrent, et des fonctionnaires au bout du rouleau et désormais stupéfaits par la tuerie de vendredi et que l'on peut interroger sur leur relation à la violence. Alors pour commencer, les personnages. Un policier intimidé, un autre rassuré par son arme, un autre arrivé par hasard, un flic par vocation, un CRS fils de militaire qui veut en découdre et un autre humilié. Ensuite le décor. Des sirènes, la peur, l'entraînement, un concours, l'adrénaline, les insultes, du mal-être et du stress, l'odeur de la poudre, Sarkozy et des suicides. Aujourd'hui, premier épisode, c'est l'heure de se lever. Police, jamais sans mon arme. Johanna Bedeau, Angélique Thibault. Je pense que les gens qui sont contre la police sont toujours contre la police. Et ceux qui sont toujours pour. Et que les gens qui sont contre, quoi que vous disiez, quoi que vous démontriez, quoi que vous expliquiez, quoi que vous... Voilà, de toute façon, ils seront contre. Journée qui est assez impressionnante. J'étais pas du tout à l'aise, mais tous, hein, je vois ces premières journées au stand de tir où on commence à nous montrer les différents types d'armes qu'on va avoir à manipuler. On a tous peur en fait. On est tous, j'ai ce souvenir, hein, on est tous hyper craintifs. Et puis après, ça se fait en plusieurs étapes. Hein. On vous montre ce que c'est dans une salle de cours. Et puis les journées d'après, on vous emmène au stand de tir, on vous montre comment ça fonctionne. Et après, on vous dit bon, maintenant c'est à votre tour. Enfin, il y a beaucoup de camarades de promo qui sont très flippés. Les tirs se passent mal. C'est une journée assez assez particulière. Hein. Peur, c'est pas vraiment ça. C'est l'excitation et l'adrénaline m'empêchent d'avoir peur. J'ai peur après. Quand je rentre chez moi, où je réfléchis, je me prends une bonne douche, je me mets au lit, je me dis ah bah ouais, là quand même c'était chaud quand même. A posteriori, je me dis c'était pas mal là. On a failli prendre cher. C'était gros là. Ouais. C'était méchant. Je suis très très en phase avec le fait de porter une arme et ça, je l'oublie. Je sais qu'elle est là, mais je m'en fais pas du tout un cas. En dehors de service, j'ai toujours mon arme avec moi. Je vais faire mes courses, j'ai mon arme avec moi. Soit dans un holster à la ceinture avec un manteau par-dessus, ou bien dans une pochette spéciale. Tout le temps, je pars en vacances avec mon arme. C'est comme si je prenais mon téléphone portable, ou mes lunettes, ou mes clés de voiture, comme ma carte bancaire. Ça fait partie de... De vous ? Oui, ça fait partie de mon quotidien, quoi. Ça fait 2 ans maintenant qu'on a l'autorisation, suite aux attentats, de pouvoir, avec l'autorisation du chef de service, de pouvoir l'emporter partout. Puisque un attentat, un événement grave peut arriver n'importe où, à n'importe quel moment. À Trèbes, dans le petit supermarché, voilà. Est-ce que vous pensiez qu'un jour, ils pensaient, dans leur petit supermarché, avoir une attaque terroriste à cet endroit ? Jamais de la vie. N'importe où, n'importe quel moment. En plein Paris, un bijoutier qui s'est fait braquer, qui s'est fait tabasser en plein Paris, là, il y a quelques jours. Ben, on sait jamais. Si je m'étais baladé dans la rue à ce moment-là, en train de regarder la vitrine, ou bien... On sait pas quand est-ce que ça peut arriver. Mais ça peut arriver. Et c'est pas être un psychopathe de dire ça, ou de penser au pire à chaque fois. Ça peut arriver. Puis même, de plus en plus, les policiers ils sont attaqués. Ils sont attaqués dans leur vie personnelle. Donc, parce qu'on est policier. Donc, moi, c'est hors de question qu'un jour, je me trouve démuni face à une attaque contre ma personne, contre ma famille, contre mes biens, ou contre quelqu'un d'autre. Donc, je m'en prive pas, comme tous mes autres collègues, on s'en prive pas. Anthony Caillé, c'est quoi votre parcours ? Comment vous êtes devenu policier ? Eh ben, il fallait bouffer, il fallait manger. Non, concrètement, oui, j'étais au chômage avant de faire mon service militaire. J'ai fait mon service militaire, qui était encore obligatoire, en 98, et je me suis retrouvé à faire le service militaire dans la police nationale. C'est vous qui avez choisi ou non ? C'était vraiment un hasard ? Absolument pas, non. A priori, on n'a pas le choix de choisir l'arme dans laquelle on va faire son service. Et donc, non, on m'a dit à la fin de la journée d'incorporation que je serais affecté en service civil dans la police nationale. Et vous avez quelle image de la police à ce moment-là ? J'ai pas une mauvaise image, pas non plus une bonne image, étant déjà engagé dans le militantisme syndical à l'époque, à la CGT. Donc j'avais déjà affaire, entre guillemets, aux policiers déjà à cette époque-là. Mais je ne peux pas dire que j'avais une super bonne image de la police au vu de ce qui se passait quand on organisait des manifestations et de la façon dont le commissariat local gérait nos manifs. Mais on avait aussi de très bons interlocuteurs au sein du commissariat avec qui on arrivait vraiment à discuter. Vous n'aviez pas envie de devenir policier, ce n'était pas le but de votre vie? Ah ben j'y avais même jamais pensé. J'ai fait un bac génie civil, strictement rien à voir. Personne dans ma famille n'est policier, donc ça m'était jamais venu à l'esprit. J'ai découvert le métier, j'ai découvert les policiers qui faisaient ce métier. Et à quel point, en fait, je me suis rendu compte que c'était des vrais travailleurs sociaux la nuit. Et voilà, on était très loin du flic, comme on peut voir aujourd'hui, lançant un pavé sur des manifestants avec des gilets jaunes. C'est absolument pas, en tout cas, l'image du métier que moi j'ai pu découvrir à cette époque. Et puis, bah voilà, les deux cumulés, c'est-à-dire la recherche d'emploi et un métier que j'ai découvert qui, voilà, que je trouvais en tout cas très très intéressant, et bah j'ai passé le concours. Et puis, bah voilà. Ensuite, j'ai incorporé l'école de police à Fos-sur-Mer pendant 12 mois. J'ai été affecté à Paris, où on m'a fait garder une porte pendant presque un an, dans un service voilà, qui n'est pas topissime, hein, parce que j'étais sorti pas super bien classé à l'école de police. Alors pas que j'avais des mauvaises notes aux écrits ou aux oraux, mais vous savez, à l'école de police, il y a ce qu'on appelle, il y a la note de gueule. Alors sur le papier, ça s'appelle la note de comportement. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, hein, mais à l'époque, ça existait. J'avais plutôt de bonnes notes, voire de très bonnes notes aux écrits et aux oraux, mais j'ai eu des notes de gueule qui étaient vraiment pas terribles. Et comme il y a un coefficient très fort, je suis sorti dans les 50 ou 100 derniers du classement, je ne sais plus. Donc j'ai pas vraiment eu le choix de la place. Et donc il y a un peu des postes comme ça où personne ne veut aller. Vous allez garder les ambassades, c'est des postes voilà, où on s'occupe du protocolaire. Donc vous tapez 6 heures de garde statique devant une ambassade ou devant une personnalité, un homme politique. Voilà. Ensuite je suis arrivé sur le 18e arrondissement. Où là j'ai dû y faire 3 ans et après je suis parti en PJ et j'ai été affecté donc je suis en police judiciaire et j'ai été affecté au SDPJ 93 au STUP où là pareil j'y ai fait 3-4 ans et puis j'ai eu l'occasion d'intégrer une brigade centrale, la brigade de répression du banditisme à Paris et je suis à la BRB depuis 2007. BRB, la brigade de répression du banditisme. Au plus loin que je puisse me souvenir, j'ai toujours voulu l'être. Être policier, donc c'est quelque chose qui me motivait, même tout gamin. Alors c'est vrai que c'est un peu le cliché, mais quand on est gosse, on va être pompier ou policier piloter des avions, moi c'était policier. Donc je rentre dans la police à 21 ans, je fais d'abord mon service militaire dans la gendarmerie, ensuite je rentre dans la police à 21 ans. Et voilà, avec un cursus plutôt classique, un départ à Paris, et ensuite donc un retour ici en province avec divers services, la brigade anticriminalité de nuit, la brigade criminelle, les brigades de sûreté urbaine dans les quartiers nord de Marseille, avec un terme un peu, peut vous surprendre, mais une faune, comme ça qu'on l'appelle chez les flics, une faune assez présente et assez... violente, organisée, structurée, voilà, avec, là je suis réellement au combat, là c'est vraiment le combat, c'est toutes les nuits, des affrontements violents, des coups de feu, là c'est vraiment, mais ça me plaisait, ce sont des années où j'ai pris du plaisir, ça peut surprendre, ouais, non, mais j'étais réellement en prise directe avec la violence et avec une impression, même pas une impression, une certitude de servir. De servir, de lutter contre et d'aider les victimes. Ouais. La patrouille durant la nuit, on passait dans des endroits, trois dans une voiture, le but étant de faire ce qu'on appelle du saut dessus, c'est-à-dire du flagrant délit, interpeller les gens au moment où ils commettent l'infraction. Quelque part, ça ressemble un peu à j'ai jamais été chasseur, mais ça ressemble à la chasse. Ouais. Ça ressemble à la chasse, c'est-à-dire aller dans des endroits, faire une planque ou pas, avoir des indices, chercher, fouiner, se faire discret. Oui, ça ressemble à. Ça ressemble, je pense à la chasse au gros gibier. Ou, ça ressemble à ça. Ouais. Ça, il y a ce côté, évidemment, l'adrénaline qui est formidable, ouais, qui plaît à tout jeune flic. Ouais. Donc travailler que la nuit, on abandonnait l'uniforme, hein, puisque c'est vrai que c'est malgré tout l'uniforme c'est quelque chose qui. Une espèce de protection, un peu. Au moins on sait qui vous êtes. Là j'abandonnais l'uniforme, donc les signes extérieurs de ma fonction. Et j'apprenais un autre métier, celui de la BAC, qui m'a donné énormément de satisfaction. Hein, c'est peut-être mes meilleures années de police. J'avais un sentiment de. Même pas un sentiment, c'était ça, on était libre. La hiérarchie nous faisait une totale confiance. Il n'est pas normal de se faire insulter quand on est policier. Hein. Est-ce qu'il est normal de tirer une tarte quand on se fait insulter ? La réponse, je ne l'ai pas, moi. La réponse, je ne prétends pas l'avoir. Moi, je ne me laissais pas insulter. C'est hyper compliqué. Vous avez face à vous des gens très déterminés, des gens qui ne respectent pas grand-chose, hein, ni personne, ça il faut être tout à fait honnête. Hein. Ça peut être très compliqué d'avoir une réaction adaptée, et puis de pas réagir de manière violente, hein, et parfois. Parfois, oui. Ouais. Moi, j'ai réagi de manière violente. Je n'évoluais que là-dedans. J'avais du mal à m'en défaire. Même lorsque j'avais fini mon service, j'étais tout le temps en service. Je ne raisonnais et réfléchissais et ne voyais que la société à travers ce prisme-là. On est réellement enfermé. Le policier ne voit que des policiers. Donc, à partir du moment où il dit toujours la même chose, il a toujours raison. Ce qu'on n'arrive jamais. Et dans ce monde-là, quand on évolue, on est persuadé que filer une tarte à un minot qui vous a dit tu me fais chier, c'est logique, c'est normal. J'ai grandi dans le quartier Nord, dans le 15e arrondissement de Marseille, une cité qui s'appelle La Morelette, qui était, comme toutes les cités, pas forcément de Marseille, de toutes les grandes agglomérations, au départ des lieux presque paradisiaques, où on habitait le centre-ville avec mes parents, et on est allé habiter dans le nord de Marseille. Des appartements plus grands, des espaces, des grands espaces, même des parties boisées dans les cités, c'était plutôt sympa. Ouais. Et puis, j'ai vu aussi la dégradation, hein, lente jusqu'aux années 80, 90, là ça s'est vachement aggravé, ouais, très très vite. Là. Les cités délabrées, l'arrivée de la résine de cannabis. Avant ça, il y avait une autre drogue qui était la colle à rustine. Alors, c'était un désastre avec ça. Il n'y avait pas de dealer, c'était le marchand de bicyclette, hein, qui vendait la colle à rustine. Il mettait ça dans un sachet plastique et il sniffait ça, il se détruisait avec ça. Et puis rapidement, la résine de cannabis, alors là, ça a tout changé. Là. Ça a mis en place les réseaux, la violence. Il y a eu une bascule énorme avec l'arrivée de la résine de cannabis. Il est très très difficile d'avoir une vie normale lorsqu'on est policier. Pas tous les jours, mais quasiment confronté à la mort. T'es donc officier de police judiciaire, donc très régulièrement on prenait ce qu'on appelait, ça va surprendre, mais on était de cadavres, c'est le terme qu'on utilisait. C'est-à-dire que sur le secteur, un secteur concerné, nous étions l'officier de police judiciaire compétent pour toutes les découvertes de cadavres suspectes, les morts violentes, les suicides, etc., etc. Donc il fallait faire une enquête là-dessus. Donc sur une agglomération comme Marseille, ou une ville de moyenne ou grande importance, avec un arrondissement comme celui de Marseille, nous on avait plusieurs arrondissements, les quartiers nord, des morts, il y en a sur lesquels vous allez intervenir. Ce qui engendre automatiquement une enquête, une découverte du cadavre, mais aussi une assistance à autopsie, ce que beaucoup de gens ignorent. Et des adultes, des enfants, des carbonisés, des passés sous le TGV, etc., etc. Voilà, tout ça, on dans les tiroirs, et puis les tiroirs un jour finissent par déborder. Ouais. J'ai essayé de fermer les yeux à un gamin. Jamais on m'a demandé si je l'avais bien vécu. J'ai tiré sur un individu sur un braquage. On m'a tapé sur l'épaule en me disant bravo, belle affaire. Mais jamais on m'a dit pose ton arme, va voir un psy. Jamais. Le lendemain, j'étais encore dans la voiture de patrouille, j'étais à la BAC. Avec mon arme à la ceinture, et personne ne s'est inquiété de savoir comment j'allais, comment j'avais vécu. J'ai cru, j'ouvre une parenthèse, mais j'ai cru que cette période-là, cette action-là sur un braquage où je tire sur l'individu, pour vous dire, je Dieu merci, tant mieux, parce qu'aujourd'hui, je lui vise la tête et je lui transperce les jambes. Vous voyez le stress, vous voyez ce que ça fait. Une balle comme elle est déviée, enfin voilà, bon, malgré tout je le touche, donc la situation, bon, bref, on l'interpelle. Mais sur le fond, on m'a jamais dit repose-toi, laisse ton arme, va voir le psy, ou est-ce que tu as besoin. Non, on m'a dit bravo, bien, belle affaire. Hein. Alors j'ai cru, moi, avec mes collègues avec lesquels j'étais ce soir-là et d'autres, j'ai cru que dans les nuits suivantes, j'allais exorciser tout ça, parce qu'on ne faisait qu'en parler de la situation, du contexte. J'ai cru que, entre guillemets, m'apaiser, me soigner de ça, mais non, ça a explosé un peu plus tard, quelques années après. Ouais. Pas une fois, on nous a dit, ça va les gars, vous voulez vous reposer, vous voulez voir le psy. Pour une simple et unique raison, déjà, c'est que des psys, il n'y en a pas. Moi, quand je fais mon burn-out, que j'appelle le psy, je lui ai laissé un message, il m'a rappelé 3 mois après. Le seul psy, soi-disant disponible, pour tout le SGAP, c'est-à-dire la région, les 6 départements de la région. Ça, c'est les différentes unités dans lesquelles j'ai travaillé. Alors, bah, c'est des médailles CRS. Vous avez la CRS 11, la CRS 5, la CRS 3. Ça, c'est la médaille commémorative du cinquantenaire des CRS. Ça, c'est le NP de Sens. Bon, ça, c'est une médaille militaire. Ça, c'est une médaille d'une école de formation de la police nationale. Et ça, c'est la CRS 8. Vous étiez militaire? Alors, oui. Ça, c'est la CRS 40, mais c'est parce que j'étais en stage là-bas aussi, donc c'est pour me rappeler de mon stage à la CRS 40. C'est important pour vous de les voir là, de les regarder? Ouais. Ouais. Je trouve que c'est esthétiquement agréable à regarder. C'est des étapes aussi, j'imagine. Puis ça me rappelle toute ma carrière, qui commence à être longue. Ça fait quasiment 20 ans. Hein. J'ai pas commencé en CRS, mais ça fait à peu près 20 ans. Hein. Et vous avez commencé en faisant quoi alors? J'ai commencé à la police aux frontières. Et alors vous, enfant, vous vouliez être policier? Ah, compliqué, oui. Enfant, je voulais être pilote de course. Donc, les rêves d'enfant sont pas forcément ce qu'on fait en tant qu'adulte. Non, mais après l'armée, j'étais un peu déçu par l'armée. Et puis, pourtant, je suis issu d'une famille de militaires. Et je me suis dit, bon, bah, la police, ou la gendarmerie, ça aurait pu être... J'ai eu mon concours de police avant celui de la gendarmerie, donc ça aurait pu être gendarme plutôt que policier, mais bon, sensiblement la même chose. Mais non, je ne regrette pas. C'est un bon choix de vie. Donc du coup, vous aviez quel âge quand vous avez décidé du coup de passer le concours? J'avais 23 ans, 24 ans. Qu'est-ce qui vous donne envie à un moment donné d'aller soit vers l'armée, soit vers la police? Bah, déjà, c'est le servir son pays d'une manière un peu plus engagé que dans une autre administration, les administrations plus tranquilles. Moi, j'ai mon père, mes deux grands-pères, beaucoup de gens de ma famille qui ont servi en tant que militaire, en tant que gendarme ou militaire. Aucun en tant que policier, mais très fier de ce qu'ils ont fait. On participait à des conflits, médaillés militaires, etc. Bon, y a un passé familial qui fait qu'on se tourne plus vers le métier des armes, entre guillemets, qu'autre chose, quoi. Voilà. Ça ne peut pas convenir à tout le monde. Mais, je vous dis, l'intérêt, c'est toutes les missions différentes qu'on peut faire. Ça, c'est un luxe. C'est un luxe. Moi, je vous dis, je suis chanceux. Je suis chanceux d'être CRS. Chanceux. Mais vous pouvez pas savoir à quel point je remercie. Mais tous les jours, je me dis, en allant au travail, je me dis, mais merci que je sois CRS, quoi. Et pas dans un commissariat, à être tout le temps sur le même secteur, patrouiller tout le temps avec les mêmes personnes, faire tout le temps les mêmes rues. Mais je serais comme une souris en cage. Au bout d'une semaine, je deviendrais neurasthénique, je serais complètement fou. Impossible. Impossible pour moi. Je pars, je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir. Est-ce que ça sera une journée de 8 heures? Est-ce que ça sera une journée de 15 heures? Voilà. Quand est-ce qu'on va revenir? Est-ce qu'on va pouvoir manger? Est-ce qu'on... voilà. Ça, c'est un challenge. Être capable de se dire, bon, bah, au bout d'une semaine de travail intensif ou en une semaine, j'ai accumulé 30 heures d'heures supplémentaires. Se dire, bah, je suis capable de le faire. On est ensemble, on vit plus avec les collègues qu'avec notre famille, on est soudés, on appartient à un corps, voilà, une famille. je dirais presque que c'est une secte. La personne en tant que telle n'existe pas. La force de la CRS, c'est la multiplicité des individus. Ce n'est pas un individu parmi tant d'autres qui fait mieux que les autres. Non, ça n'existe pas en CRS. C'est une machine de combat qui ne fait bien son travail que parce qu'elle est unie et que parce qu'on supporte des choses que peu de gens pourraient supporter parce qu'on les supporte de façon collective. On supporte la violence qu'on subit régulièrement. Ce qui est terrible, c'est qu'on est rodé même au pire. On est rodé à la violence extrême des gens. Parce que les gens, moi j'ai des gens en face de moi, ils veulent me tuer. C'est pas qu'une image. S'ils peuvent me tuer, ils me tuent. S'ils peuvent me rouer de coups, me taper avec des barres de fer, m'écraser le crâne avec des pierres, ou me lancer un cocktail Molotov, des bombes agricoles, ou tout autre engin incendiaire ou explosif, ou foncer sur moi avec un véhicule ou machin, ils le font. Si ça part du côté obscur de la force, si la manifestation, s'il y a des manifestants qui s'en prennent aux forces de l'ordre, alors là, si vous voulez, là on change de braquet. Là. C'est pas le policier bienveillant, etc. On m'attaque, on me lance des pierres, des cocktails Molotov. On en veut la vie de mes collègues, l'intégrité physique de Pierre-Paul Jacques. Ah bah non, ah bah là c'est la guerre. À partir du moment où vous avez des manifestants qui se comportent en combattants. Pour moi, en face de moi, j'ai un combattant. Je me transforme en combattant. En face de moi, j'ai un combattant. Le plus fort gagnera. Ils ont pris leurs responsabilités. Ils attaquent les forces de police. Là, il n'y a aucune pitié. Là. Pas de pitié. Je n'ai aucune pitié, hein, je peux vous le dire. Eh ben, si je lui pète une côte, ou bien si j'envoie une grenade en pleine tête, ou bien s'il se prend un LBD, ben, il faut pas qu'il se plaigne, quoi. Si tu m'attaques, je te détruis. Ben, c'est ça la dissuasion. Quelles que soient les personnes que j'ai en face de moi, quelles que soient leurs revendications, parfois j'adhère pas, peu importe. Je fais ce pourquoi on me paye, je fais mon travail. Je les ai quasiment toutes faites. Eh oui, les nuits debout, les manifestations violentes, tout le monde était choqué parmi les collègues. Je me souviens, souvent les manifestations partaient de Place de la République. Les Black Blocs étaient là. 150, 200, ils avaient même un véhicule. Avec un drapeau, avec le signe de pirates. Ils étaient là, en début de manif, ils n'étaient pas inquiétés. Une manif comme ça, deux manifs comme ça, trois manifs comme ça, quatre manifs comme ça, toutes les manifs, ils étaient là. Toutes les manifs, même à la radio police, enfin radio, notre radio, ils nous disaient, oui, présence de 200 ultra black blocs, quel que soit le nom qu'ils donnaient. Mais oui, même on les voyait à 200 mètres de nous, 150 mètres ou 50 mètres de nous, ils étaient là. Alors, c'est quoi le but ? Écoutez, si à ce moment-là, on nous avait dit, vite, avant que la manif commence, il faut aller les mettre hors d'état de nuire, il faut les bloquer, etc. Enfin, en faire quelque chose, quel que soit l'ordre qu'on allait recevoir, mais en faire quelque chose. On n'a jamais eu cet ordre-là. Jamais, jamais, jamais, jamais. Rien. Mais le préfet de police à l'époque disait oui, je préfère qu'il casse. Oui, je préfère qu'il casse plutôt que risquer d'envoyer des fonctionnaires de police pour les attraper. Alors là, il y aura des blessés ou des morts de chaque côté, parce qu'ils sont pas là pour rigoler. Hein. Donc, le politique. Ou le haut dirigeant de la préfecture de police, excusez-moi l'expression, ça va peut-être être coupé au montage, mais ils n'ont pas de couilles. Ils ont aucun courage. Rien. Aucun courage politique. Ils ont peur des débordements, peut-être ? Non, mais Si on avait été plus ferme il y a 2 ans pendant la loi El Khomri, il ne reviendrait plus là. Parce qu'on a laissé faire. On a laissé faire. C'était une volonté politique. Et quand vous avez une volonté politique de laisser faire, bah, qu'est-ce que vous voulez que la police fasse ? C'est pas nous qui décidons. À Paris, on ne fait pas 2 mètres à Paris sans qu'on nous donne l'ordre de faire 2 mètres. Le CRS fait ce qu'on lui dit à Paris. On n'a aucune marge de manœuvre. Je vous le dis, on ne fait pas 2 mètres dans Paris sans qu'on ait l'ordre de faire 2 mètres. Et même, je veux dire, mais ça se joue parfois à 1 mètre. Non, reculez, vous êtes à 1 mètre trop... Ah, ok, ah, bah, ah, vous n'êtes pas du bon côté de la rue. Alors, il faut vous mettre de l'autre côté de la rue. Ah, ok, bah, alors on se met de l'autre côté de la rue. Ça se joue au mètre près. À la rue près. On n'est pas assez armé avec les bonnes armes. Et à la limite, pas assez méchant avec les méchants. On est trop gentil avec les méchants. Les vrais méchants. C'est quoi des vrais méchants ? Les black blocs, les extrémistes. Ou le gilet jaune qui décide de passer le cap et d'être ultra violent. On n'est pas assez méchant, on n'est pas assez répressif. C'est une demi-mesure. C'est une demi-mesure. On parle beaucoup de LBD, etc. Mais il y a beaucoup de police. Je prends l'exemple des États-Unis. Alors, je ne suis pas du tout pro-américain. Hein, je cite les États-Unis parce qu'ils sont, à la pointe du maintien de l'ordre. Pourtant, c'est souvent la France qui est citée en exemple. Oui, non, mais ça, c'est de la connerie, ça. on est à la pointe du maintien de l'ordre en quoi ? On est clochardisé dans la police française, au niveau tir, comme dans beaucoup de domaines. Mais on est les clochards de la police européenne. Non, mais c'est pas grâce à notre matériel. On est à la pointe du maintien de l'ordre parce qu'on se prenait déculottés. Et qu'on laisse faire des casseurs, et puis que Paris est à feu et à sang. Ah ouais, c'est le maintien d'ordre à la française, ça. Laisser faire les casseurs, et puis pas leur rentrer dans le lard quand il le faut. C'est ça, le maintien de l'ordre à la française. D'accord ? Donc, le maintien de l'ordre à l'américaine, c'est utilisation de choses qu'on n'a pas en France, mais qui coûteraient beaucoup d'argent. Et c'est toujours pareil. C'est qu'il faut... Ils veulent pas débourser beaucoup d'argent. Ils veulent des résultats sans s'en donner les moyens, le gouvernement, ou le ministère de l'Intérieur, ou les hauts fonctionnaires de la police. Aux États-Unis, vous avez depuis longtemps, en manifestation, des lanceurs de Pepperball. C'est une marque qui s'appelle Pepperball, qui est de plus en plus présente dans les forces de police, quelles que soient les forces de police. Et donc, là, on ferait un excellent travail sans blesser les gens. Mais c'est un investissement. C'est-à-dire que ça envoie des billes de paintball, mais professionnelles. Au lieu que ce soit de la peinture, à l'intérieur, vous avez du poivre. Enfin, une solution poivrée, une poudre. Et ça peut être aussi des billes marquantes. Ça peut être des billes avec de l'ADN pour retrouver les gens après. Et ça marche excessivement bien. Le gaz, mais ça fait longtemps qu'on l'utilise. Ça a un effet, mais c'est pas discriminant. Ça gaze tout le monde, même celui qui a la terrasse ou qui sort d'un magasin, il se prend du gaz, il n'a rien demandé à personne, il se prend du gaz, bon voilà. À la limite, on n'y peut rien. C'est le matériel qu'on nous donne. Ce sont pour moi, des dommages collatéraux. Dans une manifestation, il y a plein de dommages collatéraux, quoi. Les policiers, s'ils sont armés, Benoît, est-ce que c'est pour... c'est pas pour se défendre, mais c'est pour protéger l'individu et la collectivité. Ça, c'est vous qui le dites, ça. Je vous demande. Non, je pensais que c'était le code de déontologie. Est-ce que le code de déontologie, il dit quoi ? Non, mais vous savez, la déclaration des droits de l'homme, aussi, elle dit plein de choses. Et puis, on se torche avec tous les jours, que Dieu fasse. Donc oui, il existe un code de déontologie dans la police, mais bon, oui, c'est comme la Bible, c'est comme le Coran, c'est comme tous les livres saints. Ah, il y a des belles choses à l'intérieur, merveilleuses. Aimez-vous les uns les autres. Ah oui, mais ça, c'est du vent, ça. C'est un bout de papier, c'est ce qui est, oui, c'est écrit. Oui, bah, c'est bien. Article R434, alinéa 17. Protection et respect des personnes privées de liberté. Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence inhumaine ou dégradante. Nul ne peut être intégralement dévêtu. Nul ne peut être intégralement dévêtu. Hors le cas et dans les conditions alinéa 7 et dans les conditions prévues par l'article 63 alinéa 7 d'un crime du code de procédure pénale, le visant la recherche des preuves d'un personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique. Le policier ou le gendarme ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique. L'utilisation du port des menottes. Mais où s'en ira le vol avec tout ce qu'on se prend depuis des années, des agressions. Parce qu'être policier, de toute façon, c'est se faire agresser sans faire mal à son agresseur. Apparemment, tout le monde le conçoit. Quand Zinedine Zidane, il a mis un coup de tête, ça a été par rapport à des mots, on lui a fait une stèle, on lui a pardonné. Un policier, lui, qui se défend par rapport à des actes de violence où ça engendre le risque pour notre vie ou notre intégrité physique, si on met un coup de matraque, c'est honteux, c'est scandaleux. Là, hier, ce qui s'est passé à Mantes-la-Jolie, je vois pas où est le problème. Qu'est-ce qu'on aurait dit si les jeunes, ils seraient levés d'un seul coup, parce qu'ils sont plus en nombre que nous, ils seraient partis comme une envolée de moineaux. On aurait été encore humiliés, parce que l'humiliation dans ce métier, c'est au quotidien. Ça va du simple citoyen quand vous patrouillez, qui grille des feux rouges devant vous, qui rectifie même pas le tir, qui mettent pas leur clignotant, qui sont avec leur téléphone, etc. Ça va aux jeunes de 13-14 ans qui vous chopent par le callback, alors que vous avez 43 ans ou moins ou plus, vous êtes père de famille, là votre dignité, vous êtes humilié constamment. Et avec tout ce qui se passe sur Paris, avec tout le nombre de suicides des collègues qui se font lyncher, qui osent même pas prendre leur arme à feu pour défendre leur vie, et ça, tout le monde trouve ça normal. On parle de guerre, hein, au jour d'aujourd'hui. Bah, la guerre, excusez-moi, hein, mais bon, moi, si on veut me buter, j'essaye de me défendre. Mais je vais penser ensuite au post-traumatique qu'il va y avoir derrière pour ma famille, pour moi, si je m'en sors vivant, et puis au niveau sociétal. Mais c'est un truc de malade dans ce pays. Article R434, alinéa 18, emploi de la force. Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi seulement lorsque c'est nécessaire et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace selon le cas. Il ne fait usage des armes qu'en cas d'absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut. La détonation a résonné durant les minutes, même les heures où j'essayais de trouver le sommeil. C'est assez brouillon dans ma tête. Je... L'odeur de la poudre. Encore aujourd'hui, j'en parlais à mon épouse dernièrement, encore aujourd'hui, il m'arrive de... Les petits yeux marrons, c'était un gamin qui avait 6 ans, que son père avait noyé, et son père s'était noyé aussi. En prenant des... Donc j'interviens sur cette affaire et j'essaie de fermer les yeux du gamin. Ça, je le vois très régulièrement. Je ne suis pas arrivé à fermer les yeux du gosse. D'autres affaires aussi, une gamine, je ne sais pas si on peut l'évoquer, si c'est une gamine de 20 ans qui avait été alcoolisée, qui tombe dans un coma éthylique et qui a été violée durant toute une nuit alors qu'elle était dans le coma, à plusieurs, ils l'ont violée à plusieurs, et voilà, donc j'arrive là-dessus, on fait des constatations et je vais annoncer le décès, 20 ans, voilà, ça me revient très régulièrement, je ne suis pas unique, hein, l'ensemble de mes collègues qui ont travaillé sur ce type d'affaires aujourd'hui. On ne l'évoque pas, quand on se rend compte, on n'en parle pas. Moi, j'ai besoin d'en parler régulièrement à ma femme. Il y a certains films que je n'arrive pas encore à voir. Un jour, voilà, je me retrouve seul chez moi, avec mon arme. Voilà. Et comme font beaucoup de policiers, malheureusement aujourd'hui, voilà, je la manipule, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais à la fois je sais ce que je veux et je me la mets dans la bouche. Voilà. Sans réellement savoir, mais voilà. Excessivement compliqué de me faire comprendre quelque chose. Et, oui, même les collègues avec qui je travaillais, je détestais. Je m'emportais pour rien, je gueulais tout le temps. J'étais chef de groupe, je gueulais tout le temps sur mes gars. Ma personnalité avait changé, évidemment. Non, non, moi je me dégradais, petit à petit, je devenais insupportable. Ces films des années 80 avec Belmondo et Delon, ce flic torturé. Moi j'étais un peu ça. Ouais. Et beaucoup de mes collègues aussi, torturés, travaillent la nuit, décalés, dans son monde. Triste. Pardon ? Un peu triste. Au fond de moi, oui. Mais superficiellement, non. Vis-à-vis des autres, non. Bien au contraire. Mais au fond de moi, oui, il y avait une tristesse et un mal-être permanent. L'arrivée de Nicolas Sarkozy, c'est le début de la fin de cette police républicaine que j'avais aimée. Et là, avec le discours de Toulouse et où il prononce, vous vous rappelez, où il dit « les policiers ne sont pas là pour jouer au foot ». Voilà, la fin de la police de proximité, la fin de la police républicaine, pour faire du chiffre. Et ça commence à réellement m'impacter. Voilà, là, je commence bricoler des affaires pour faire de l'interpellation, pour faire ce qu'on appelait, vous avez entendu parler de la bâtonnite, hein, c'est le petit bâton dans la case où on remplit et on fait des interpellations bidons, et là on fait du chiffre. Et là, moi, ça commence à réellement m'impacter. Et on parlait tout à l'heure des donneurs, les lanceurs d'alerte, je ne sais pas si j'en ai été un, mais à ce moment-là, je commence à alerter les gens, moi, leur dire, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait là? C'est pas du travail de police qu'on fait là. Où je vois réellement le métier se transformer en fait. Dans les cités, la seule présence de l'État, enfin, il n'y a pas de présence d'État, il n'y a même pas un petit commerce ou une pharmacie ou une poste. Voilà, l'uniforme, c'est le pompier, lorsqu'il vient éteindre le feu, il se fait caillasser, et le flic, n'en parlons pas. Donc, et puis il y avait tout un travail en amont qui s'appelait l'îlotage ou la police de proximité. Avant, c'était les îlotiers, après, ça a été la police de proximité. Ce travail-là n'existe plus. Aujourd'hui, le policier ne va dans les cités que pour faire de la répression. Alors que jadis, il y avait des postes de police dans les cités. J'ai connu, moi, des postes de police dans les cités, mais dans les cités difficiles aujourd'hui, où les flics ont du mal à rentrer, il y avait des postes de police qui étaient ouverts en heure de bureau, mais il y avait une présence policière. Et il y avait un travail de terrain de ces policiers-là, qui était chargé, c'était pas de se montrer, hein, parce que les gens savent, c'était aussi de se montrer, mais le policier de proximité, ou précédemment l'ancienne appellation l'îlotier, avait par définition un îlot. Et là, le but, c'était de connaître l'ensemble des gens, qu'ils soient honnêtes ou pas, de recueillir leur renseignement, de l'exploiter, de le donner aux services compétents. C'était tout un travail, un maillage formidable. C'était un maillage formidable. Alors, à l'époque, évidemment, la BAC pouvait se comporter différemment. Aujourd'hui, elle y va pour quoi ? Elle y va pour interpeller, pour... Parce qu'il n'y a rien en amont, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de police de proximité. La police de sécurité du quotidien qui devrait se mettre en place, moi j'en ai pas vu encore, hein, pour soi-disant se substituer, enfin remplacer la police de proximité, moi je l'ai pas vu. Les échos que j'en ai, quelques-uns, notamment dans les quartiers de Marseille où elle a été mise en place, elle n'a qu'une fonction, c'est réprimer. On en revient toujours à cette politique du chiffre qui, malgré ce que disent les autorités aujourd'hui, est toujours d'actualité. Et quand on n'en trouve pas, qu'est-ce qu'on fait ? On les invente. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, lorsque je luttais contre les policiers de bas qui mettaient à disposition des affaires capillotractées, j'ai utilisé ce terme-là, c'est-à-dire tirer par les cheveux, ben de briques et de broc, on essayait d'interpeller une bricole, une crotte de nez, comme on appelait vulgairement, c'est-à-dire vraiment le morceau insignifiant de résine de cannabis, on mettait à disposition un individu qui, lui, allait être fiché aux antécédents judiciaires parce qu'il était simple consommateur, voilà, des affaires comme ça. Pour faire du chiffre. Interpeller. Pour faire dire, au niveau du ministère, c'est pour faire dire ce que l'on veut en matière de chiffres, parce que les chiffres, on leur fait dire aussi ce que l'on veut. Et aussi, les moyennes de pression, ce sont toujours les mêmes. Si tu fais pas des PV, tu seras mal noté, tu n'auras pas ton grade. J'ai même vu certains collègues qui, on appelait ça le départ avancé, c'est-à-dire qu'on pouvait demander à partir un peu plus tôt, en faisant décompter des heures, en fonction du nombre d'effectifs présents. Eh bien, les chefs dealaient avec leurs fonctionnaires en leur disant « Tu me fais tant PV par jour, tu pourras partir en avance. » Vous savez que les commissaires de police reçoivent des primes si les chiffres sont appliqués. Le gardien de la paix de base reçoit 500 euros par an. C'est formidable, hein, vous voyez un peu, 500 euros par an. Pff, mon Dieu, quelle misère. Mais bon, s'il atteint ses objectifs, Et encore, il y en a un dans le service. Hein. Et par contre, le commissaire de police, lui, a des grosses primes, ouais, si les chiffres sont à tel. Voilà. Voilà ce qui est devenu la police. Aujourd'hui, moi, tous les policiers que j'ai autour de moi, même ceux qui ont mon âge, alors aujourd'hui, ceux qui ont mon âge sont blasés, ils attendent la fin, ils sont quasiment sur la fin. Donc, ils sont plutôt résignés. Et les autres sont dans des états... Pas un aujourd'hui est positif. Pas un. Tous envisagent, la quasi-totalité envisage une reconversion. Et tous sont voilà. Alors, je dirais pas tous dans des états psychologiques défaillants, pas ça, mais beaucoup le sont. D'autres ne le sont mais ne le disent pas. Et voilà, c'est la police qu'on a aujourd'hui à offrir à la société, quoi. C'est très compliqué, hein, devenir policier aujourd'hui. Comment on peut accepter aujourd'hui, pour 1600 euros, de monter en région parisienne, de se faire cracher à la gueule, avec une hiérarchie qui ne vous soutient pas, et deux hiérarchies, une administrative et une judiciaire, qui ne... pour moi, c'est inconcevable. Hein. Tous les jeunes qui me demandent conseil aujourd'hui, je leur dis, fuyez. Article R. Article R. 434, alinéa 16. Contrôle d'identité. Contrôle d'identité. Lorsque la loi l'autorise à procéder à un contrôle d'identité, le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucun signe caractéristique pour déterminer les personnes aucun signe distinctif, sauf s'il dispose d'un signalement précis, sauf s'il dispose d'un signalement précis. Le contrôle d'identité se déroule. Vous parlez des violences entre vous ou pas? Sans qu'il soit porté atteinte à la dignité, oui. C'est exclusivement une mesure de sûreté. La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un caractère systématique policier ou du gendarme. Elle est réservée au cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier ou du gendarme qui l'accomplit ou de celle d'autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n'est pas porteuse d'un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui. Ouais, on parle des. Notamment, on parle des policiers qui sont violents. Ouais, ouais. Moi, j'en ai toujours parlé, on en a toujours parlé. Voilà, on sait que quand vous partez le matin en commissariat, vous partez en police secours, vous êtes 6 dans le car, vous savez qu'il y en a une ou un qui est violent et qu'il va falloir surveiller toute la journée. Voilà. Et quand ça arrive, parce que ça arrive, c'est toujours très compliqué de montrer son désaccord quand ça arrive le jour J sur la voie publique. Pour plein de raisons, déjà sur un aspect sécuritaire pour l'ensemble des 6 policiers qui ont à gérer ça, mais eux, on en parle au retour au commissariat, ouais. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire la violence légitime ? Alors moi, la violence légitime, bah, c'est un terme juridique, hein, de toute façon, voilà. Ça veut dire que ça, c'est ce que l'adage prévoit, enfin ce que l'adage a toujours dit depuis des décennies sur l'aspect sécuritaire de ce métier, c'est que force doit rester à la loi. Voilà. Et que la violence est le monopole de l'État et de personne d'autre. Et alors la légitime défense ? Eh bien la légitime défense, c'est la même chose que la violence légitime. Voilà. Sauf que le message n'est pas le même, le vocable n'est pas le même. Il y a gardien de la paix, il y a force de l'ordre. Il y a violence légitime, il y a légitime défense. Voilà. Aujourd'hui, on est sur une terminologie qui n'est absolument pas la même. On glisse sur une terminologie sécuritaire. Moi, j'ai ma réponse. Bah, vous avez comment ? Moi, je pense qu'on est responsable tout le temps. Voilà, à chaque instant de notre métier. C'est compliqué parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et beaucoup de policiers ne sont pas en capacité d'aller exprimer leur mal-être, voire leur désaccord. C'est la culture du « ferme ta gueule » qui fonctionne. Donc c'est hyper compliqué. Donc la facilité, c'est de se dire « Attendez, moi je suis policier, je suis un policier républicain, d'accord ? Et moi, je réponds aux ordres qui me sont donnés, ok ? Les ordres qui me sont donnés, ils viennent d'un gouvernement, un gouvernement qui a décidé d'orienter sa politique sécuritaire à droite, à gauche, au milieu, ce que vous voulez. Voilà. Mais ces gens-là, ils ont été élus. Donc il y a un moment, on peut aussi dire, mais attendez, les citoyens, vous êtes sympas, mais vous avez la police que vous méritez. Voilà. Mais un gendarme à qui on dit de charger, il n'a pas le choix. Ou on a toujours le choix ? Moi, je pense qu'on a toujours le choix. On a toujours le choix. Après, c'est très compliqué. Il y a plein de choses à mettre dans la balance. Vous savez que vous risquez la révocation. Bon, vous avez 25 ans, vous n'avez pas de famille, vous êtes locataire, vous n'êtes pas propriétaire, vous n'avez pas de crédit, vous en foutez. Vous en avez 45, vous avez 3 gamins à la fac, votre conjoint ou votre conjointe est au chômage, vous faites quoi ? La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on pose beaucoup plus facilement cette question aux policiers que... pourquoi on ne pose pas la question... j'ai rien contre, hein, je ne veux pas mettre du tout d'antagonisme en place, mais le salarié de chez Dassault, qui construit un Rafale, qui va jeter une bombe sur la gueule de gens. Enfin, je veux dire, un Rafale, ça fait beaucoup plus de dégâts qu'un LBD. Bon, alors, moi, j'ai toujours l'habitude... Enfin, je veux dire, comparaison n'est pas raison. Mais en attendant... C'est des salariés à qui on pose jamais cette question. Et pourtant, à un moment, on pourrait dire, les gars, la clé à molette, je la mets de côté. Je vais faire des grippins. Donc, dans une société, c'est pas aussi simple. Je le vis bien. Vous savez, moi, ça fait, si je compte bien, j'en suis à mon 4e président. Et je n'arrive même plus à dénombrer le nombre de ministères de ministres de l'Intérieur que j'ai pu avoir, ou de directeurs de la police, ou de directeurs des CRS. Enfin, je veux dire, c'est voilà, il y en a tellement. Donc, vous savez, les gouvernements passent, moi je reste. Donc, ça va, ça vient. Un côté à droite, un côté à gauche, un côté, on ne sait pas. Mais le système administratif, la police, l'armée, elle reste toujours en place. Oui, on protège un gouvernement, mais bon, qui n'est pas aimé. Mais c'est notre job. C'est pas pour ça qu'on accepte le discours de ce gouvernement ou qu'on est pour ce gouvernement. C'est notre job. C'était la série documentaire Force de l'ordre, police, jamais sans mon arme. Avec Marc, Benoît et Anthony Caillé, secrétaire général de la CGT Intérieure. Merci à Stéphane. Merci à Lina pour les archives, à la documentation de Radio France, à Annie Signoret de la Bibliothèque Centrale de Radio France. Prise de son, Marc Hervenès, mixage Bruno Mourlan, un documentaire de Johanna Bedeau et Angélique Thibault pour la série documentaire. LSD, pour aujourd'hui c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter au poste, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et la plupart des plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et pendant 15 jours, grâce à Tank, notre partenaire, vous pouvez voir le dossier Plogoff, un documentaire de François Jacquemin sur les affrontements entre policiers et habitants de Plogoff autour d'un projet de centrale nucléaire. Il y a un lien tout exprès sur la page de l'émission. Demain, deuxième épisode, des lycéens à genoux. Mais en attendant, restez à l'écoute.